بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أجد في نبل ليفر: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ô hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il a fait de nous des nations et des tribus afin que l'on s'entreconnaisse. Vivre avec les gens et les connaître est donc un besoin pour l'homme, car il a besoin de se mélanger à eux et de vivre avec eux dans sa vie de tous les jours, que ce soit sa famille, ses amis, ses collègues ou autres. Ainsi, il est obligatoire à la personne de savoir comment se comporter avec les gens, et également de connaître la manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le comportement qu'il adopte envers les gens. Nous allons donc mentionner dans cet audio, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il explique la manière d'atteindre le bonheur par l'attitude qu'on adopte avec les gens. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى قال والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا تخافوهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم كما جاء في الأثر أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم بل أرجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تظهر بل افعل ما أمرت به وإن كرهوا وفي الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, comme cela est mentionné dans Majmu' al-Fatawa, il a dit: le bonheur dans la manière de se comporter avec les créatures consiste à chercher l'agrément d'Allah dans la façon de te comporter avec eux. Tu espères donc ce qu'il y a auprès d'Allah en agissant avec eux, et tu ne les crains pas lorsque tu agis pour Allah. Tu es bienfaisant envers eux en espérant la récompense d'Allah, et non pas en attendant un retour de leur part. Tu ne commets pas d'injustice envers eux par crainte d'Allah et non pas car tu as peur d'eux. Comme il est rapporté dans le Athar, espère ce qu'il y a auprès d'Allah lorsque tu te comportes avec les gens et n'espère rien des gens lorsque tu accomplis une chose pour Allah. C'est-à-dire, n'accomplis rien parmi les sortes d'adoration et d'obéissance pour les gens, ni en espérant leurs éloges, ni en ayant peur de leur blâme. Espère plutôt ce qu'il y a auprès d'Allah et ne crains pas les gens dans ce que tu accomplis ou délaisses pour Allah. Fais donc ce qui t'a été ordonné, et ce, même s'il le réprouve. Comme cela est mentionné dans le hadith, fait partie de la faiblesse de la certitude de rechercher l'agrément des gens en commettant ce qui mène à la colère d'Allah, ou de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a pas accordé. فَإِنَّ الْيَقِينَ يَتَضَمَّنُ الْيَقِينَ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ أَهْلَ طَاعَتِهِ وَيَتَضَمَّنُ الْيَقِينَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا ف فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. La certitude implique donc la certitude dans l'accomplissement de ce qu'Allah a ordonné et de ce qu'il a promis à ceux qui lui obéissent. Elle implique également la certitude dans sa prédestination, sa création et sa gérance. Ainsi, si tu cherches l'agrément des gens en commettant ce qui amène à la colère d'Allah, tu n'auras pas atteint la certitude, ni dans sa promesse, ni dans sa subsistance. Et ce, car ce qui pousse la personne à faire cela est soit le fait qu'elle désire ce qu'il possède comme bien mondain. Elle délaisse donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné envers eux par espoir de ce qu'il possède. Ou soit ce qui la pousse à cela est son manque de foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui lui obéissent comme secours, comme aide et comme récompense ici-bas et dans l'au-delà. De ce fait, si tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te secourra, t'accordera ta subsistance et te suffira. Chercher l'agrément des gens en accomplissant ce qui mène à la colère d'Allah ne peut donc provenir que de leur crainte ou de l'espoir de ce qu'ils possèdent. Et tout ceci est dû à la faiblesse de la certitude. وَإِذَا لَمْ يُقَدِّرْ لَكَ مَا تَظُنُّ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَكَ فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ لَا لَهُمْ فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَإِذَا ذَمَمْتَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُقَدِّرْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ ضَعْفِ يَقِينِكَ فَلَا تَخَفْهُمْ وَلَا تَرْجُهُمْ وَلَا تَذُمْهُمْ من جهة نفسك وهواك، لكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم يا محمد أعطني، فإن حمدي زين وإن ذمي شين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. إسي الله سبحانه وتعالى ne t'a pas prédestiné ce que tu pensais que les gens accompliraient avec toi, alors ceci revient à Allah, car seul ce qu'il a décrété peut s'accomplir. Ainsi, si tu les blâmes pour une chose qui n'a pas été décrétée, ceci est dû à la faiblesse de ta certitude. Ne les crains donc pas, n'espère rien d'eux et ne les blâme pas selon tes passions et ta personne. Plutôt, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont fait les éloges, c'est lui qui est louable. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont blâmé est celui qui est blâmable. C'est pour cela que lorsqu'une personne, parmi la délégation des Banu Tamim, a dit « Ô Muhammad, donne-moi, car mes éloges sont un embellissement et mon blâme est un avilissement. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est Allah azza wa jal qui est ainsi. » « Wa katabat Aishatu ila Muawiyah » وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامة. هذا لفظ المأثور عنها. وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Il est rapporté que Aïcha radiallahu anha écrivit à Muawiya radiallahu anhu. Et il est également rapporté que Aïcha attribua cette parole au prophète alayhi salatu wassalam. Il est dit dans cette parole, celui qui cherche l'agrément d'Allah en commettant ce qui amène à la colère des gens, Allah lui suffira et le préservera des gens. Quant à celui qui cherche l'agrément des gens, tout en commettant ce qui mène à la colère d'Allah, celui-ci, les gens ne lui seront d'aucune utilité auprès d'Allah. Voici pour ce qui est de la version qui a été rapportée du prophète, alayhi salatu wa salam. Quant à la version qui est rapportée de Aïcha, radiallahu anha, elle a dit, celui qui cherche l'agrément d'Allah en commettant ce qui met en colère les gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui également. Quant à celui qui cherche l'agrément des gens en commettant ce qui mène à la colère d'Allah, celui-ci, ceux qui lui faisaient les éloges parmi les gens se mettront à le dénigrer. Voici pour la version qui est rapportée de Aïcha radiallahu anha, même si celle rapportée du prophète alayhi salatu wa salam est plus juste. Et ce, car celui qui cherche l'agrément d'Allah en commettant ce qui met en colère les gens aura craint Allah. Il sera son serviteur vertueux et Allah subhanahu wa ta'ala se charge de la protection des vertueux. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. فَاللَّهُ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ النَّاسِ بِلَا رَيْبِ وَأَمَّا كَوْنُ النَّاسِ كُلِّهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ لَكِنْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ إِذَا سَلِمُوا مِنَ الْأَغْرَاضِ وَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا كَالظَّالِمِ الَّذِي يَعُضُّ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه أعلم. Allah subhanahu wa ta'ala sera donc celui qui lui suffit auprès des gens. Quant au fait que tous les gens soient satisfaits de lui, il est possible que ceci n'arrive pas. Mais ils seront satisfaits de lui lorsque la finalité leur sera clairement apparue. Quant à celui qui cherche la satisfaction des gens en commettant ce qui mène à la colère d'Allah, celui-ci, les gens ne pourront rien lui profiter. Tout comme l'injuste qui se mordra les mains en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager !» Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Quant au fait que celui qui lui faisait les éloges se mette à le dénigrer, ceci arrive très souvent lors de la finalité, car la bonne fin est réservée à la piété. Mais cela n'arrive pas forcément dans les débuts, lors de leur passion, et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. فالتوحيد ضد الشرك فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه فهذا يخلص به العبد من الشرك وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم ومن الشرك بهم وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه وقد قال تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء يا عبادي إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه والتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة والتي بينك وبين خلقي فأت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك. Et certes, le tawahid, l'unicité, est le contraire du polythéisme. Ainsi, si le serviteur applique le tawahid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il l'adore seul sans rien lui associer, il sera monothéiste. Et fait partie de son unicité et de son adoration le fait de placer sa confiance en lui, de le craindre et d'avoir espoir en lui, car par ces choses, le serviteur se libère du polythéisme. De même, le fait de donner aux gens leurs droits et de ne pas leur causer de tort préserve le serviteur de leur injustice et de commettre du polythéisme avec eux. Et également, en obéissant à son Seigneur et en s'écartant de sa désobéissance, le serviteur évitera de se causer de l'injustice à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, comme cela est rapporté dans le hadith Qudsi, « J'ai partagé la prière en deux entre moi et mon serviteur, rapporté par Muslim. » Et en réalité, le bénéfice de ces deux revient au serviteur. Tout comme il est mentionné dans le hadith rapporté par At-Tabarani au sujet de l'invocation, « Ô mon serviteur, ils sont certes au nombre de quatre. L'un est pour moi, un autre est pour toi, un autre entre toi et moi, et un autre entre toi et mes créatures. Quant à celui qui est pour moi, il consiste à ce que tu m'adores sans rien m'associer. Quant à celui qui est pour toi, je t'accorderai la rétribution de tes œuvres lorsque tu en auras le plus grand besoin. Quant à celui qui est entre toi et moi, tu es celui qui m'invoquera et j'exaucerai tes invocations. Et enfin, pour ce qui est entre toi et les créatures, comporte-toi avec eux tout comme tu aimerais qu'ils se comportent avec toi. Wallahu yuhibbul munsifin, wa yuhibbu an ya'budu, wa ma yu'tihi Allahu al-'abda min al-i'anati wal-hidayah, huwa min fadlihi wa ihsani. وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته والعبد يطلب ما يحتاج أولا وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم وبذلك يصل إلى العبادة فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا ليتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته وكذلك قوله عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل فالعبد إنما يعمل لنفسه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont équitables et il aime ceux qui l'adorent. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux serviteurs comme aide et comme guidance, tout ceci provient de sa grâce et de sa bienfaisance. Et c'est un moyen d'atteindre cette chose qui est aimée. Il l'aime donc car c'est une voie menant à son adoration. Et il ne fait aucun doute que le serviteur commence par rechercher ce dont il a besoin. Et assurément, il a besoin d'être aidé dans l'adoration et d'être guidé sur le droit chemin afin de parvenir à l'adoration. Il recherche donc premièrement ce dont il a besoin, afin d'atteindre ce qui est aimé par son Seigneur et qui comporte son bonheur. De même, concernant sa parole, je t'accorderai la rétribution de tes œuvres lorsque tu en auras le plus grand besoin. En réalité, le serviteur œuvre donc pour sa propre personne, car il aime la récompense qui est la rétribution des œuvres. Et certes, chaque personne sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Thumma idha talab al-ibada, fa innama yatlubuha min haythu hiya nafi'atun lah. محصلة لسعادتي محصنة له من عذاب ربي فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له فمن عبد الله لا يشرك به شيئا أحبه وأثابه فيحصل للعبد ما يحبه من النعم تبعا لمحبوب الرب. Ainsi, lorsque le serviteur recherche l'adoration, il la recherche car elle lui est bénéfique, en lui apportant le bonheur et en le préservant du châtiment de son Seigneur. Le serviteur ne recherche donc que ce qui comporte un bénéfice pour lui. Et même si cela est aimé par son Seigneur, le serviteur le recherche car ça lui est approprié. Celui donc qui adore Allah sans rien lui associer, Allah l'aimera et le récompensera. Et le serviteur obtiendra ce qu'il aime comme bienfait. وهذا كالبائع والمشتري البائع يريد من المشتري أولا الثمن ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع والمشتري يريد السلعة ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن فالرب يحب أن يحب ومن لوازم ذلك أن يحب من لا يحصل العبادة إلا به والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله فمن عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له ومن طلب من العباد العود ثناء ودعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله، ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم. Et ce qui a été mentionné est à l'exemple du vendeur et de l'acheteur. Le vendeur souhaite obtenir l'argent de l'acheteur, et ceci implique qu'il lui donne la marchandise. L'acheteur, quant à lui, souhaite obtenir la marchandise, et ceci implique de donner l'argent au vendeur. De même, le Seigneur a maître aimé, et ceci implique qu'il aime ce sans qui l'adoration ne pourrait avoir lieu. Le serviteur, lui, aime ce dont il a besoin et ce qui lui est profitable, et ceci implique d'aimer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui donc qui adore Allah et qui est bienfaisant envers les gens, celui-ci aura accompli les droits d'Allah et celui des serviteurs d'Allah dans la sincérité du culte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui demande une compensation aux créatures, que ce soit des éloges, des invocations ou autres, celui-ci n'aura pas été bienfaisant envers eux pour Allah. Et au contraire, celui qui craint Allah dans son attitude envers les gens, et qui pour Allah ne craint pas les gens, celui-ci sera bienfaisant envers les gens et envers sa propre personne. Car la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala le poussera à leur donner leurs droits et à ne pas être injuste envers eux. وَمَنْ خَافَهُمْ وَلَمْ يَخَفِ اللَّهَ فَهَذَا ظَالِمٌ لِنَفْسِي وَلَهُمْ حَيْثُ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ وَرَجَاهُ لِأَنَّهُ إِذَا خَافَهُمْ دُونَ اللَّهِ احْتَاجَ أَنْ يَدْفَعَ شَرَّهُمْ عَنْهُ بِكُلِّ وَجْهٍ إما بمداهنتهم ومراءاتهم وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم، فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قدر مهين ذليل إذا قهر فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. Quant à celui qui craint les gens mais ne craint pas Allah, celui-ci sera injuste envers sa personne et envers les gens, car il la craint et espère autre qu'Allah. Et ce, car s'il les craint en dehors d'Allah, il aura besoin de repousser leur mal de n'importe quelle manière, soit en les courtisant, soit en étant hypocrite, ou soit en commettant un mal égal ou supérieur à leur mal. Et si son espoir est en eux, il n'accomplira pas le droit d'Allah envers eux. De même, s'il ne craint pas Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa manière d'être avec les gens, il les oppressera. Car de base, l'âme est injuste envers ceux qui ne lui commettent aucune injustice. Que dire alors de ceux qui lui commettent une injustice? Tu trouveras donc ce type de personne ayant une grande peur des gens, et commettant de nombreuses injustices lorsqu'ils en ont la capacité. Et tu les trouveras humiliés et rabaissés lorsqu'ils sont vaincus. Ce type de personne craint donc les gens en fonction de ce qu'elle possède, et cela est une cause pour causer des troubles entre les gens. تجدهم يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه فهم ظالمون بعضهم لبعض ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره ظالمون لأنفسهم فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها وهو يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرك والزنا. De la même manière, s'il a espoir en eux, ils ne lui accorderont pas ce qu'il espère d'eux. Il se mettra donc à les détester et à être injuste envers eux, s'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est très présent chez les gens. Tu les vois se craindre les uns les autres et espérer les uns les autres. Et chacun se dit être victime d'injustice. Ils sont donc injustes les uns envers les autres. Injustes concernant le droit d'Allah, car ils ont craint et espéré autre que lui, et ils sont injustes envers leur propre personne. Et ce, car ces péchés sont un châtiment pour l'âme, et il mène à faire d'autres péchés comme le polythéisme et la fornication. فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وذكر مجريات النفس والهزل واللعب ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ونفسه مريدة دائما ولابد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به وليس ذلك إلا لله وحده فلا تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكل مألوه سواه يحصل به الفساد ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. Et certes, si la personne ne craint pas Allah, subhanahu wa ta'ala, elle suivra ses passions. Et surtout, si elle recherche ce qu'elle n'a pas encore obtenu. Car son âme continuera à rechercher son apaisement et ce qui repousse ses soucis et sa tristesse. Ainsi, si elle ne s'apaise pas avec le rappel d'Allah et son adoration, elle s'apaisera dans les interdictions, parmi les turpitudes, les boissons interdites, les paroles mensongères, les futilités, les divertissements, la fréquentation des mauvaises personnes et autres. Le cœur ne peut donc se dispenser qu'avec l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce, car l'homme a été créé en étant dans le besoin de ce qui lui profite et de repousser ce qui lui est nuisible. Son âme désirera donc toujours quelque chose et il lui faudra nécessairement un objectif à atteindre afin de s'apaiser. Et seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui est capable de l'apaiser. Les cœurs ne peuvent donc s'apaiser que par Allah, subhanahu wa ta'ala, et les âmes ne peuvent se tranquilliser que par lui, jalla wa ala. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Toute divinité en dehors d'Allah est donc une cause de désordre, et les cœurs ne peuvent se purifier qu'avec l'adoration d'Allah, seul sans associé. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.